Un grand miracle étonnant le monde entier s'est produit dans les régions sinistrées de la province du Yamgyong du Nord. Pendant plus de 50 jours, dans 100 et des dizaines de districts de la ville de Faelyong, des arrondissements de Musan, de Yunsa, d'Ansong, de Gyeongwon et de Gyeonghu, plus de 3000 maisons d'habitation à 2 ou 4 étages et 100 étages de plus de 11 900 foyers sont construits nouvellement sur les ruines causées par les plus grands déluges dans l'observation météorologique après la libération du pays. Ainsi, ils sont dressés des avenues et villages féeriques socialistes au niveau de l'époque du Parti du Travail.